Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, quand la France aménageait le futur. Une série de Camille Jusat, réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a le rêve gaullien d'une France nouvelle qui a inventé de nouveaux paysages et fait sortir de terre des villes toutes neuves dont les habitants étaient des pionniers. Alors pour commencer, les personnages. Un architecte qui raconte, un urbaniste qui explique, le fils d'un aménageur enthousiaste, des Sergi Pontins enracinés et un réalisateur et ses souvenirs d'enfance. Ensuite le décor, une boucle de la Seine, un hélicoptère, un général président, un rêve, l'autogestion, un terril, un lac, des paysages et des enfants en liberté. Aujourd'hui, 4e épisode, on est en pleine nature. Aujourd'hui on dirait que Sergi Pontoise est dans la banlieue de Paris, mais à l'époque c'était la vraie province. Il y avait un train à vapeur pour aller de Pontoise à Paris. Il y avait des gens qui ne montaient jamais à Paris. C'était vraiment un endroit provincial. Et puis, c'était des petits villages. L'irruption de la ville nouvelle, c'était l'événement, quoi. C'est comme un... C'est comme si une météorite avait choisi Pontoise, si tranquille depuis Saint-Louis, depuis les croisades, pour y implanter une ville nouvelle. Ah, mais c'est l'Oise là-bas. Hein? Ouais, là, qu'est-ce qu'on fait avec les arbres? Et elle forme une boucle. Là, on s'en rend bien compte. Elle forme une boucle comme ça, tu vois, elle tourne là, dans la petite cuvette. Mm. Passe au pied de là où tu habites, là, Saint-Christophe. Ah oui, on voit la tour du Belvédère. Oui. Mm. Et puis elle continue comme ça, elle fait tout le tour en boucle comme ça, elle passe devant Sergi Préfecture, jusqu'au pied de la tour EDF. Et on le vivait, c'est ça ce qui était fascinant, comme si on était au milieu d'une histoire où on décrivait ce qui allait se passer. Quoi. Donc un champ, ce champ-là, c'était pas un champ, c'était peut-être la première entreprise qui allait s'installer, c'était 3M d'ailleurs, la première grande entreprise américaine qui est venue mettre son siège social au milieu des champs. On appelait ça les champs de betteraves, là je vois que c'est pas des betteraves. On disait tout le temps, on va construire une ville, des quartiers, des collèges, des lycées dans ces champs de betteraves. Et donc c'était comme une pièce de théâtre ou un film dont on voyait les personnages arriver. Donc il y avait une sorte de réel. On habillait la fiction, quoi, on construisait le futur. Sergi Pontoise, la ville qui n'existait pas. Camille Jusat, Franck Lilin. Alors j'étais tout petit, on ne comprenait pas pourquoi on faisait, un bâtiment au milieu des champs. C'est ça le sujet. Il y a un bâtiment un peu bizarroïde puisque c'était une pyramide à l'envers. Voilà la vision qu'on en avait. Et puis vous aviez les agriculteurs par contre, qui, eux, manifestaient et ont bloqué pendant 6 mois, 1 an, la construction de la préfecture. Nous sommes arrivés en mai 73. On a vu construire cette maison. On venait avant quand même, voir un peu les chantiers, visiter la ville. C'est ce qui nous a convaincus de venir, d'ailleurs. Marc Kini. On avait des amis Sergi qui travaillaient ici, qui un jour nous ont fait visiter le chantier de la ville nouvelle. Je me souviens d'un circuit en voiture avec Nyong. C'était sous la pluie, hein. Et entre les essuie-glaces, il y a des tas de boue à gauche et à droite. Et puis il m'expliquait, ça va être le collège, ça va être... C'était assez impressionnant, mais des bâtiments étaient déjà sortis de terre. La préfecture, par exemple, c'était assez enthousiasmant d'imaginer que là, il va y avoir une ville où tout est à faire. Bon, nous habitions à l'époque dans le 20e arrondissement, on avait 2 enfants de bas âge. C'était difficile de continuer d'être là, on avait envie de s'agrandir, de vivre. Et accessoirement sortir du milieu urbain de Paris avec des enfants en bas âge. Nous, quand on trimballait les enfants, on allait au square Séverine, près de la porte de Bagnolet, donc le périphérique et tout ça. C'est vrai que trouver un peu le grand air ne nous déplaisait pas. C'était difficile de continuer d'être là, on avait envie de s'agrandir, de vivre. Et ça pouvait être l'occasion de trouver quelque chose qui nous convienne. Et effectivement, ce petit pavillon en accession à la propriété, bon, on était très jeunes à l'époque, moi je débarrais un premier travail, donc mais les salaires n'étaient pas encore très élevés. Enfin, c'était un CDI, ça permettait de rassurer le, le prêteur HLM. Puis il y a quatre chambres à l'étage, puis ce grand séjour en bas, une petite cuisine, il y a non, c'est on y a un petit jardin, une petite courette de l'autre côté. C'est pas mal. On y est toujours bien et on y est resté. Quelques jours après le vote par le Parlement de la loi portant création de nouveaux départements autour de Paris, le ministre de l'Intérieur, M. Roger Frey, accompagné du délégué général au district de la région de Paris, a survolé ce matin la région intéressée. Journal télévisé, 8 juillet 1964. Monsieur Delouvrier et moi-même, ainsi que plusieurs de mes collaborateurs, nous venons de faire un tour au-dessus de la région parisienne afin d'essayer de déterminer les meilleurs emplacements pour l'implantation des futures préfectures des départements qui viennent d'être créés. Ce qui importe maintenant, c'est de faire très vite. Le Premier ministre, M. Georges Pompidou, viendra la semaine prochaine effectuer, après que je lui ai rendu compte de mon voyage, une tournée semblable à celle que nous avons effectuée aujourd'hui. Et le général de Gaulle, le chef de l'État, est lui aussi très pressé de voir se réaliser cette réforme indispensable de la région parisienne. Alors oui, il y a deux scènes fondatrices. Il y en a une qui est racontée par tous, c'est le survol en hélicoptère de la région parisienne par Paul Delouvrier, donc le délégué général au district de la région parisienne, l'équivalent du préfet de Paris, du préfet de la région Île-de-France. Loïc Vadelorge, historien. Donc vol en hélicoptère avec le général de Gaulle, en fait, pour prendre conscience de la complexité de la région parisienne. De Gaulle aurait dit à Delouvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bazar ou dans ce bordel, selon les versions. Concrètement, ce que cette histoire veut dire, qu'elle soit vraie ou pas, c'est finalement peu importe, c'est que les gaullistes, en arrivant au pouvoir en 58-59, avaient vraiment le désir d'intervenir de manière importante sur l'aménagement des périphéries urbaines et notamment de la région parisienne, qui était, de leur point de vue, incontrôlée et qu'ils souhaitaient contrôler. Ça, c'est le premier mythe. Le second mythe, qui est plus en fait relatif à Cergy Pontoise. Donc il se passe quelques années plus tard, au milieu des années 60, quand Delouvrier et ses équipes essayent de trouver les bons terrains pour implanter les villes nouvelles, c'est-à-dire essentiellement des terrains ruraux, hein, des terrains vierges, à une distance de 25-30 km de Paris. Ils arrivent en haut de la boucle de l'Oise, ils regardent cette boucle de l'Oise qui va accueillir la future ville de Cergy Pontoise, et ils rencontrent ici un habitant qui leur dit qu'il y aura un jour une ville nouvelle ici, alors que à l'époque personne ne le savait, puisqu'en fait les plans n'avaient pas encore été publiés. Donc là encore, est-ce qu'il s'agit d'une histoire vraie ou pas? Je dirais que c'est à la limite une belle légende. Mais ce qui veut dire aussi peut-être qu'il y a une conscience importante dès le départ pour les aménageurs des villes nouvelles et sans doute aussi pour les premiers habitants, c'est la conscience quand même de l'importance du paysage. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des espaces libres, des espaces vierges, des grands espaces, mais des espaces qui ont aussi des qualités paysagères. Et Cergy Pontoise, de ce point de vue-là, est sans doute la ville nouvelle qui a les plus grandes qualités paysagères. Et d'une certaine manière, c'est vrai qu'il y a une stratégie de conquête. Lionel Engrand, qui se met en place. Architecte. Dans le cas de Cergy Pontoise, on a affaire à un site qui est choisi, qui est identifié comme étant exceptionnel, la boucle de l'Oise, les coteaux, les plateaux, le paysage du Vexin, aux alentours. Et ce site a été fabriqué dans la durée par l'Oise. Et voilà, donc le choix se porte sur ce territoire. Donc cette idée de commando, d'administration de mission autour de ça, l'idée qu'en hélicoptère, on a une vision globale sur l'avenir, c'est tout à fait caractéristique de cette époque-là. Ça a été très largement mis en scène, mais pour montrer en fait que l'État était capable d'intervenir et de maîtriser le destin de la ville. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cette légende, mais il y avait aussi le besoin de convaincre. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, c'est une page d'histoire importante, mais à l'époque, quand ils ont lancé ça, c'était un pari. L'un des ministres qui ne croyait pas trop aux villes nouvelles, Edgar Pisani, parlait d'aventure intellectuelle. Sous-entendu, c'est quelque chose qui ne marchera pas, c'est une utopie, ça va s'arrêter. Et donc finalement, on ne pouvait pas vraiment croire que ça allait être réalisé. Il a fallu convaincre, d'où l'utilité, la mobilisation de la presse audiovisuelle et de la presse papier, hein, pour pouvoir très largement populariser cette idée qu'ils allaient en fait faire des villes nouvelles et dessiner l'avenir de Paris. Somme toute, monsieur le délégué général, ce que vous voulez avant tout éviter, c'est d'accroître encore la congestion parisienne, cette sorte de cancer qui gagne de proche en proche et risquerait de paralyser l'ensemble de la nation. Le président, vous avez raison. 29 mai 1966, Paul Delouvrier, au micro de Philippe Lamour. Nous aurions pu imaginer une carte du futur où on aurait ajouté une nouvelle muraille de pierre aux banlieues existantes. Banlieue après banlieue. Nous avons pensé que, ce faisant, nous éloignerions encore davantage les lieux de verdure et de nature, les habitants actuels, et que nous desservirions les autres provinces de France, et qu'il fallait à la fois pour ces autres provinces et pour les habitants de la région de Paris faire croître cette région sur des axes préférentiels, pour en somme que Paris aille à la province, aux provinces, et ne s'enferme pas dans le district de la région de Paris. Je voudrais qu'on comprenne bien, n'est-ce pas, la situation. De toute façon, Paris doit croître dans l'espace. Nous avons 100 000 logements par an à faire pour que les gens soient mieux logés et pour que les enfants des Parisiens, qui font les enfants comme maintenant les habitants des autres régions, puissent se loger un jour. Alors même sur ces axes, nous aurions pu ajouter banlieue après banlieue. Mais dans le mot banlieue, il y a quelque chose de péjoratif. Il faudrait que la banlieue n'existe plus. Pourquoi est-ce que c'est péjoratif la banlieue? Parce qu'il n'y a pas de centre-ville. Et si tous les services du centre-ville sont concentrés dans Paris, intramuros, dans le vieux Paris, comme on dit, alors les habitants des banlieues ont des trajets considérables à faire, perte de temps, coût en argent supplémentaire. Alors au lieu de faire une file de lotissement, ou sans sarcelles bout à bout, nous avons pensé qu'il fallait amener les services, préfecture, université, grands magasins, instruments de sport, enfin terrains de sport, piscines et autres, au cœur de ces banlieues nouvelles que nous n'avons plus être des banlieues et qui ainsi prennent le nom de villes nouvelles. Mais ces villes nouvelles sont la forme moderne de la croissance de Paris et non pas des villes complètement autonomes qu'on aurait pu placer n'importe où. Schématiquement, l'image de cette banlieue informe, elle se constitue avec ce qu'on appelle la seconde industrialisation. C'est donc la fin du 19e siècle, et puis ça s'accélère très fortement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Hugo Bévor, directeur de la mission Métropole de la ville de Paris. Quand on est sur une industrialisation fondée sur la métallurgie, et qu'on a cette division de l'espace qui est assez forte entre l'Est et l'Ouest, d'abord. Et puis, progressivement, à mesure que l'on s'éloigne de Paris, l'installation effectivement, de très grandes usines qui va se faire de manière assez désordonnée et qui va complètement transformer le paysage. Évidemment, il faut loger les ouvriers qui viennent à Paris dans cet effet d'exode rural très classique que l'on observe partout. Et les logements se développent sans un ordre apparent, quasiment jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, la question de la banlieue, quand on commence à se demander... quel est l'avenir de cet espace? Elle naît là, elle naît schématiquement à la fin des années 1920 et jusqu'à Paris, le désert français, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces 20 années-là, on commence à dire cette situation n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable par elle-même, parce qu'on ne peut pas mettre les gens dans des conditions pareilles. Elle n'est pas tenable politiquement, parce qu'on voit bien que ça donne les armes de ce qui est d'abord la ceinture rouge parisienne qui se constitue dans les années 1930. Et puis qui constitue une menace pour le pouvoir concentré dans Paris, et elle est pas tenable aussi pour la qualité même du développement industriel de la France et de sa relance, Et donc s'installe voilà, entre les années 20, débordement de Paris, bien au-delà de ses limites initiales, et le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'installe l'idée que la banlieue est un problème. Voilà. C'est un énorme problème pour tout le monde, et c'est aussi un problème pour la France. Alors, dans l'après-guerre, enfin l'après-seconde guerre, donc le premier impératif, c'est pas de redresser la ville ou de la rectifier pour la rendre compréhensible, moderne et respirable, c'est simplement de loger une masse de population nouvelle qui arrive. Et donc entre 1945 et les années 70, on passe d'une ville qui avait atteint 6-7 millions d'habitants à une agglomération qui en comprend quasiment une dizaine de millions d'habitants, voilà, avec une très forte prépondérance de la classe ouvrière. Il y a du côté français la crainte d'un trop grand Paris, qui est une crainte très ancienne, hein, qui remonte, on le sait maintenant, à l'Ancien Régime, qui a subi des avatars tout au long de l'époque contemporaine, mais qui est ressourcée dans les années d'après-guerre à travers la pensée de Jean-François Gravier, hein, l'auteur de Paris et le désert français en 1947, ce géographe réactionnaire qui considérait qu'il fallait freiner la croissance de Paris et mettre l'accent sur la croissance de grandes métropoles régionales. Donc cette idée de limiter la croissance de Paris, elle est encore extrêmement forte au moment où De L'Ouvrier prend les commandes. Mais De L'Ouvrier, son apport historique majeur, lui et ses équipes hein, bien entendu, c'est d'avoir fait prendre conscience qu'on n'arrêtait pas le développement d'une métropole comme Paris, qu'il était de toute façon incontrôlable et qu'il valait mieux l'accompagner pour essayer de le contrôler par le biais de la création de villes nouvelles, par le biais de la création d'un réseau de transport express régional, par le biais également d'axes de développement tangentiels au nord et au sud de Paris. Paris est ébréché, le béton s'échappe de toutes parts comme l'encre d'un flacon cassé. Ce qui était une ville devient une tache informe qui, bien au-delà des banlieues, se répand en cités dortoirs, grands ensembles et autres HLM. Bref, Paris et sa région sont sur le point de mourir étouffés par des déchets d'architecture à force de subir les pressions de la croissance économique. Mais juste avant l'asphyxie, une réflexion simple a permis de réagir. Il s'agissait de ne plus subir la croissance mais de la prévoir, de ne plus replâtrer les banlieues en fonction des besoins, mais d'aménager des aires de développement industriel et commercial. Ces ballons d'oxygène qui doivent sauver Paris s'appellent les villes nouvelles. Il y en a 5 actuellement qui sortent de terre aux alentours de Paris, Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines et enfin au nord-est, à 30 km du rond-point de la Défense, l'une des plus avancées et des plus importantes, Cergy-Pontoise. Alors, ouais. Alors cette photo, où on voit deux hommes, chemise blanche, cravate, au milieu des champs, sur le capot d'une 403 bleue, qui était notre voiture à nous en fait, avec un plan étalé, une clope au bec, qui tuera mon père à la fin. Martin Hirsch, directeur de la PHP. On voit très bien ce qu'ils sont en train de se dire. Ils sont en train de mettre quelque chose dans tous ces champs. Donc ils doivent faire passer des chemins pétionnés, des passerelles, des bâtiments, une grande école. Alors, à gauche, c'est Bernard Hirsch, donc mon père, qui dirigeait l'établissement public chargé de construire la ville nouvelle. Et à droite, c'est Monsieur Coignet, moi je l'appelais Monsieur, qui était une de ces personnes de cette équipe incroyable qui a gardé des liens pendant les décennies qui ont suivi, du vivant puis de la mort, parce que c'était une équipe qui avait un objet d'amour qui s'appelait la future ville nouvelle. Bernard Hirsch, c'est une figure centrale. Il est le premier, il arrive avant que l'établissement public d'aménagement ne soit créé, ça devait être en 1969. Bernard Hirsch, c'est un représentant de l'État qui considère qu'il a une mission. Cette mission, c'est d'aménager le territoire, de faire en sorte que cette ville nouvelle puisse se développer dans de bonnes conditions. Il y a effectivement cette idée d'être au plus près des choses. Bernard Hirsch et son équipe s'installe dans les environs, il ne reste pas à Paris, il vient de s'installer ici. Pourquoi ? Pour être au plus près des choses, au plus près des chantiers, et ça fait partie un peu de l'engagement initial. Je ne prenais pas du tout la mesure de ce qui se passait. Je ne faisais pas la distinction entre ce personnage qui était la Ville Nouvelle et la famille, les amis, le reste, parce que c'était le décor de notre vie, c'était l'objet des discussions. Donc on habitait Pontoise, c'était loin pour les Parisiens. Et donc quand ils venaient nous voir, c'était automatique. On allait faire, il n'y avait pas autre chose que de faire le tour, des tours dans la Ville Nouvelle, quartier par quartier ou futur quartier par futur quartier. Et on y passait notre temps, c'était notre terrain de vie, de jeu, de discussion, de tout ce qu'on veut. Moi, le souvenir, l'un des souvenirs les plus frappants que j'ai, en fait, on ne réalise pas ce que c'est de construire une ville au milieu des champs de betteraves. Et donc, par définition, il n'y a rien dans les champs de betteraves. Donc, il faut y mettre la centrale de chauffage, il faut y mettre le traitement d'eau, il faut y mettre tout cela pour irriguer ou chauffer. Et un jour, la centrale de chauffage a pété un vendredi soir. Mon père, plus la voisine, Madame Le Tourneur, et ses enfants, et nous, et tous les collaborateurs, ont passé la nuit du vendredi à samedi et le samedi, à aller livrer des petits radiateurs aux habitants. En disant, on est désolé, mais comme si c'était le patron d'un petit hôtel qui était désolé parce qu'il y a une panne dans l'hôtel et qui vient s'occuper de ses... Voilà. Et voilà, c'était ça l'ambiance. Pourquoi fait-on ici, en plein champ, une ville nouvelle qui devrait avoir 400 000 habitants dans 30 ans ? Bernard Hirsch, en 1969. Ce qu'il faut, c'est donner aux banlieusards de toute cette région, sur place, ce qu'ils sont obligés, actuellement, d'aller chercher, contraints et forcés, dans Paris. C'est-à-dire d'abord l'emploi, ensuite les équipements scolaires, universitaires, les commerces, les grands magasins et les distractions. Alors c'est pour cette raison qu'on a prévu une ville très grande, de 400 000 habitants, car c'est à partir de cette taille qu'on peut avoir les grands équipements, les grands magasins, l'université, le stade olympique, etc. Mais il ne suffit pas de faire des logements, c'est même le plus facile. Et trop souvent, dans le passé, on s'est contenté de construire des logements et de ne rien mettre autour. On ne peut pas installer les premiers habitants dans un désert et dans un bourbier en leur disant, ben, plus tard vous aurez le métro, plus tard vous aurez l'université. Les gens veulent tout, même à un niveau plus modeste, mais tout de suite. Et ils ont raison. Alors c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Et c'est pour ça qu'on commence par la préfecture. Vous trouvez sans doute une drôle d'idée de commencer par ce bâtiment en forme de pyramide renversée. Mais pour nous c'est très important parce que la préfecture c'est d'abord des emplois. Et au mois de mars prochain, avant qu'on aura commencé le premier logement, il y aura 1500 emplois au centre de la ville. On ne sera donc pas une cité dortoir. Et en plus, la préfecture, c'est un monument. Et je crois qu'il est important, dans une ville, d'avoir un monument qui permette de se différencier de tous ces grands ensembles qui se ressemblent les uns aux autres. Bernard Hirsch le dit, d'autres urbanistes qui font partie des premières années de l'opération disent très bien que, finalement, dans cette période-là, on n'a pas les idées très claires. En réalité, on ne sait pas très bien faire, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et le principal sentiment que l'on a lorsqu'on lit ce qui se dit à l'époque, c'est que on va essayer de bien faire, mais globalement, toutes les possibilités sont sur la table. Il y a un repoussoir, c'est l'urbanisme de plan masse tel qu'il a existé dans les années 50-60 via les grands ensembles. À partir de 1964, on décide de créer le département du Val-d'Oise. Création d'un département, création d'une préfecture. Voilà, c'est le bâtiment numéro 1. Bâtiment numéro 1 qui sera livré en 1900, inauguré en 1970. Donc ce sont des choses qui vont assez vite, même si le terrain est occupé par les agriculteurs et que ça pose un certain nombre de problèmes. Là, il y a vraiment une symbolique de l'État. Le fait que ce bâtiment numéro 1 soit une préfecture, que ce soit une préfecture aussi singulière, plastiquement, elle n'est pas banale. Hein. Henri Bernard, l'architecte de la Maison de la Radio, qui est choisi directement, à qui on confie ce projet, eh bien, est chargé de mettre en image la symbolique de l'intervention de l'État. Et c'est à partir de ce bâtiment numéro 1 que toute la mécanique, toute la croissance de la ville nouvelle va s'amorcer. Alors ce bâtiment, c'est une pyramide inversée, section carrée avec un vide au centre, des étages en encorbellement. C'est un bâtiment qui joue sur le registre de la symétrie, donc une certaine idée de l'ordre, de ce que peut être l'ordre, avec des dessins relativement sobres, sans excès décoratif. Et donc il y a un effet de masse assez prégnant qui correspond parfaitement à l'image de l'autorité qu'on est en train d'essayer de diffuser. Vous plaisez à Sergi ? Oui, beaucoup. Évidemment, avec les 15 chaînes de télévision, les lacs, les tennis, bientôt le golf, les deux théâtres, on aurait du mal à s'ennuyer. Je plaisante, mais moi aussi, je me trouve pas trop mal ici. Oui, moi, je me sens faite ni pour la grande ville, ni pour la province. Moi, je me sens faite pour la très grande ville. Ici, je me trouve beaucoup mieux intégrée à l'immensité du Grand Paris que si j'habitais au fin fond du premier arrondissement. Mon champ d'action porte sur l'étendue de la mégapole parisienne. Je me déplace sans cesse du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis l'homme des mégapoles. Il y a une mise en récit, de la ville nouvelle, des villes nouvelles, la construction d'un récit où jour le jour, événement par événement, une narration de ce qui se passe, mais surtout de ce qui va se passer, hein, l'idée de la projection dans un avenir qui sera forcément glorieux. Donc on est vraiment dans cette perspective-là. Il faut commencer à parler de cette ville qui n'existe pas encore. Il faut commencer à essayer de dessiner ce qu'elle pourrait être effectivement dans les années à venir. Pourquoi le fait-on ? On le fait parce que il y a un besoin d'attirer, avant même que des édifices soient construits, et à mesure que les premières opérations sortent de terre, il y a ce besoin d'attirer des investisseurs, des entreprises, des industriels, attirer potentiellement des universités, tout ce qui concerne l'enseignement supérieur. Et donc il y a, de la part de Bernard Hirsch, une démarche qui est assez singulière et assez admirable, qui consiste à parler de la ville telle qu'elle sera, alors même que rien n'existe et qu'on est encore dans les champs de betteraves. Vous voyez, donc il y a cette réalité qui est portée par cette personnalité assez singulière et touchante, oui, il faut bien le reconnaître. L'un des ouvrages de référence de mon père, c'était Donogo. Je ne sais pas si vous connaissez Donogo. C'est un livre de Jules Romain, qui est l'histoire d'un géographe qui rêve d'être nommé à l'Institut et qui écrit un atlas. Et catastrophe, il a mis au milieu de l'Amazonie une ville qui s'appelle Donogo. Et en fait, il s'est trompé, cette ville n'existe pas. Et je ne sais plus pourquoi, il prend le bateau pour aller en Amérique du Sud et il va essayer de comprendre pourquoi il a mis une ville dans cet endroit au milieu de la forêt. Et quand il arrive, il y a une ville. Pourquoi est-ce que les gens ont lu l'Atlas, ont vu qu'il y avait une ville, se sont dit, ils l'ont rejointe et ne l'ont plus quittée. Et mon père disait, je vais faire Donogo. Et donc Sergi Pontoise, pour moi, c'est Donogo. Et quand je vous dis qu'il y avait un lien entre la fiction, la réalité, alors ça ne veut pas du tout dire qu'on pensait que la vie des gens allait être une fiction, au contraire. Mais la construction de cet objet se construisait comme on peut construire un récit, un roman, une œuvre en fait. Et ça m'a toujours beaucoup marqué pour d'autres choses. On peut faire une réforme, on peut penser une transformation comme on penserait la construction d'une ville, c'est-à-dire en se disant « je vais faire le réel à partir de rien ». On prend un projet de loi à la place d'un plan d'urbanisme, ou etc. Ou à l'époque, au moment où on a le papier, ça n'existe pas, et puis le papier va produire du réel. Nous sommes sur le sur la dalle, sur ce qu'on dénommait à l'époque l'hypercentre, ce qu'on envisageait comme un hypercentre. Donc on est sur cette dalle, à 6 mètres au-dessus du sol naturel. Cette dalle, elle a été pensée au début des années 70 dans une logique de stratification verticale des activités. Donc créer de la centralité avec des équipements, des institutions, des équipements culturels, administratifs, des équipements commerciaux. Il y a un pôle républicain d'un côté, puis un pôle commercial de l'autre, avec le centre commercial des Trois Fontaines. Il y a un décalage manifeste entre ce qui a été rêvé et ce qui est produit. C'est le cas de très nombreux aménagements urbains sur dalle qu'on a connus. C'est le cas du Front de Seine à Paris, qui présente quand même quelques problèmes, même s'il y a des qualités par ailleurs. Alors il y a un décalage entre ce qui est imaginé et ce qui est réalisé aussi parce que, voilà, on est dans la fiction. On est dans la fiction, tous les reportages dans Paris Match, les dessins sont vraiment dans une veine futuriste qui est relativement déconnectée de la réalité de la vie sociale qui peut se développer sur un périmètre comme celui-ci, qui est quand même d'une assez grande tristesse, qui est composé d'objets singuliers qui peinent un peu à créer un cadre harmonieux ou même simplement stimulant, intéressant. Mais en même temps, on fait aussi le choix de conserver un certain nombre de massifs forestiers, d'espaces verts, et les villes nouvelles sont caractérisées par un urbanisme discontinu. C'est-à-dire qu'on n'a pas en fait un seul centre, Cergy-Pontoise est un très bel exemple, on a une série de pôles au sein de la ville nouvelle, séparés par des espaces verts, des parcs, des promenades, qui en font autre chose que ce qui avait été fait dans la première couronne, dans les années 1950 avec les grands ensembles. Dans les années 1955-60, qui sont le début des grands ensembles, avec Sarcelles, avec les premières opérations dans la région parisienne, c'est des opérations qu'on confie à un seul architecte. Donc avec un seul regard, une très grande cohérence urbanistique, paysagère, on l'a redécouvert depuis, architecturale, mais évidemment quelque chose qui est très monotone du point de vue architectural. Les villes nouvelles vont être construites plus tard, dans les années 70 pour l'essentiel, à un moment donné où on décide de ne plus confier à un seul homme, à un seul architecte ou une seule équipe, la construction d'un quartier nouveau, d'une ville nouvelle, et donc il va y avoir plusieurs architectes, donc une diversité architecturale qui va être d'autant plus accentuée que les villes nouvelles vont se réaliser sur 25 ans et non pas sur 5 ou 10 ans comme les grands ensembles. Et donc, de ce fait-là, une très grande hétérogénéité du bâti qu'on observe à Cergy-Pontoise, par exemple, entre le premier quartier, le quartier de la préfecture, qui est encore un quartier dans l'esprit des années 60, avec de l'urbanisme sur dalle, même si c'est un quartier complexe du point de vue urbanistique et architectural, et les quartiers pavillonnaires plus récents, jusqu'à Cergy-Saint-Christophe, dans les années 1980-90. Et tout le paysage de la ville est caractérisé par ce désir d'innovation pour le meilleur et pour le pire, sachant que la principale critique qui se porte sur les villes nouvelles, dès le milieu des années 70, c'est celui d'une foire expo permanente. C'est-à-dire qu'à force de vouloir exposer, exhiber de nouvelles architectures, de nouvelles réflexions urbaines, de nouvelles formes urbaines, eh bien, beaucoup d'observateurs considèrent que tout ça ne fait pas de la ville, tout ça est un showroom permanent de l'innovation, et ça fait partie des images très négatives véhiculées par les villes nouvelles, à savoir cette propension à accumuler des objets relativement déconnectés les uns des autres. Alors, ce qui est tout à fait intéressant à observer, s'agissant de la forme urbaine, de l'organisation des différents quartiers, c'est que sur le principe, l'idée de départ de Jean Coignet, de Bernard Hirsch, de Bertrand Varnier, c'est d'organiser la ville en fer à cheval autour de la boucle de l'Oise et avec pour centralité Alap, un parc. Et lorsqu'on observe la maquette, les maquettes, lorsqu'on observe les plans, on comprend bien comment tout ça peut s'organiser avec une programmation successive d'opérations, de secteurs à aménager. La réalité est tout à fait différente puisque c'est un périmètre qui est sensiblement équivalent à Paris. Paris intramuros, qui accueille aujourd'hui 200 000 habitants. Une superficie grosso modo équivalente à Paris avec 10 fois moins d'habitants. Ça se traduit par une densité relativement modeste. Donc beaucoup d'espaces non bâtis, de très grande qualité, sachant que d'emblée, la notion de grand paysage, elle est motrice dans le projet de manière très... Au point que, on sait parfois quand on entre dans une ville nouvelle en raison de la signalétique urbaine, mais une fois qu'on est dedans, on ne sait pas forcément où on est, on ne sait pas exactement en fait dans quel quartier on est. Alors pour certains historiens de l'architecture de l'urbanisme, c'est un de leurs grands défauts, l'absence d'unité stylistique. Pour d'autres, au contraire, c'est une de leurs qualités qui est d'avoir su s'adapter et suivre leur époque. On savait qu'on la trouverait un jour, cette cité fantastique. La ville nouvelle. Cette ville conçue pour l'homme. Cette ville où l'entreprise peut préparer le futur sans peur du lendemain. Cette ville nouvelle avait quelque chose de fascinant, d'invitant. Les villes nouvelles, aujourd'hui les meilleurs s'y retrouvent. Il faut se débarrasser d'une forme de mythologie. Il y a un mouvement pionnier. Le mouvement pionnier, c'est les nouveaux habitants des villes nouvelles qui vont arriver au milieu des années 70 dans un contexte idéologique, culturel très particulier, hein, celui de l'autogestion de la presse 68. Loïc Vadelorge, historien. Souvent des classes moyennes, des classes, des cadres qui vont vraiment investir leur vie nouvelle dans une ville nouvelle. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment un appétit, une appétence qui rencontre parfois celui des aménageurs qui créent des ateliers populaires d'urbanisme pour pouvoir associer les habitants. Hein, c'est des premières expériences de participation. On est à peine quelques années après 68. Il y a encore dans la tête des gens qui, comme moi, avaient 20 ans en 68, quelques idées de changer un peu le monde, ou en tout cas notre fonctionnement ou la manière dont on vit. Marc Kieny. Sergi Pontin. Une ville nouvelle, bon, effectivement, tout était à faire, même si tout est à faire au niveau de la vie sociale. Donc, se sont constitués très vite des groupes de travail d'habitants sur des thèmes, scolarité, information, c'est là-dedans où je m'étais investi, impôts, urbanisme, tout ce qu'on veut. Et ça débouchait tous les 6 mois, à peu près, sur des rencontres au niveau carrément du grand quartier. Des rencontres avec les décideurs, avec le triumvirat, comme on l'appelait de l'époque, c'est-à-dire Bernard Hirsch, directeur général de l'établissement public, Adolphe Chauvin, sénateur-maire de Pontoise, et Hubert Renaud, maire de Cergy, la commune de Cergy. Accessoirement, Bernard Hirsch, on le croisait quelquefois en se baladant dans les plans. Il nous saluait quand il nous avait repérés. Il finissait par repérer les habitants qui bougeaient. Je faisais partie de cette catégorie de personnages. Et on discutait un peu comme ça. Il était très intéressé par ce qui se passe dans la ville. Bien sûr, c'est normal. Il y a eu cette ambiance à un double titre. Alors, pionnier, oui. On construit, on invente. Et par ailleurs, il s'est passé quelque chose qui s'appelle mai 68. Alors c'était amusant, moi je m'en... J'étais... Martin Hirsch, directeur de la PHP. Je trouve que j'ai de la mémoire, puis bon, on m'a tellement raconté, puis j'ai de bien. Mais mon père était déstabilisé par mai 68. Mais toute son équipe était des barbus aux cheveux longs, les Vasconnier, les Pancréaches, là, tous ces grands architectes, tous ces gens-là étaient des 68ards, parce qu'ils avaient la génération de mai 68. Et donc... Il y avait d'un côté mon père et probablement les grands élus, Adolphe Chauvin, le maire de Pontoise, sénateur, etc., qui étaient pionniers dans l'action, mais plutôt conservateurs d'un point de vue sociologique et politique. Et puis cette bande de types qui faisaient des crobards, des plans, des maquettes, des projets sociologiques, et qui du coup bousculaient par leur souffle Et donc il y avait à la fois effectivement de se sentir bousculé, puis de trouver un espace d'expression pour cela. Alors qu'on a traduit par les couleurs, puis c'était déjà l'époque où on devait pouvoir aller en vélo, faire ses courses, qu'on puisse traverser toute la ville sans croiser une voiture. Il y avait quoi, toute cette dimension-là qu'on essaye d'introduire aujourd'hui était d'emblée présente. Je ne sais pas si c'était une vision écolo ou plutôt de mode de vie, de style de vie. Alors en même temps, c'est en partie mythologique parce que d'abord, ce ne sont pas les seuls habitants arrivés en ville nouvelle. Il y a aussi des classes populaires qui arrivent, qui sont beaucoup moins enclines à rentrer dans cet urbanisme participatif qu'elles jugent sans doute trop intellectuel. Loïc Vadelorge, historien. Mais ça a été suffisamment fort pour que malgré tout, ça engage une forme de destin. C'est-à-dire qu'au-delà de la volonté de s'approprier la ville, il y a eu la volonté de créer un tissu associatif nouveau, de créer des comités de quartier, de créer des associations de parents, des associations de riverains, de militer. C'est une époque de fort militantisme, les années 70, d'obtenir un certain nombre d'avancées sur le cadre de vie, sur les services. Et puis du militantisme associatif, on est rapidement passé au militantisme politique. Une partie de ces militants passant par les cadres de l'éducation populaire, se sont portés candidats aux premières élections municipales de 77 dans la plupart des quartiers nouveaux, et pour certains ont pris à ce moment-là la ville, souvent sous l'égide du Parti Socialiste, hein, qui est le grand gagnant finalement politique de la création des villes nouvelles. On a souvent eu le sentiment que bon, finalement, les villes nouvelles, c'est le choix de l'État qui vient et qui développe, à sa guise, des ensembles urbains. En réalité, c'est quand même plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une tentation dirigiste. Lionel Engrand, architecte. Mais dans le même temps, il y a des élus locaux. Ces élus locaux, ces habitants, les agriculteurs notamment, assez rapidement vont prendre la mesure des enjeux et s'apercevoir que s'ils ne se regroupent pas, s'ils ne protestent pas, eh bien ils allaient se faire avaler par la mécanique qui est mise en place. Et les débuts sont très difficiles, très délicats. Il y a beaucoup d'opposition, les agriculteurs s'opposent aux expropriations. Évidemment, quand on veut le tir, il faut exproprier. Lorsque l'on souhaite coloniser, construire, urbaniser sur le plateau de Lotil, autour de la commune de Jouy-Moutier, eh bien, il y a une résistance très forte des élus. Et au final, eh bien, les choses vont se faire, mais de manière différente, avec plutôt une urbanisation sur la base de pavillons, de maisons individuelles, etc., etc. Donc voilà, de toute évidence, dans cette histoire de confrontation entre l'établissement public et les élus, Bernard Hirsch s'est confronté à de nombreux élus qui finalement ont fini par avoir sa peau. Les villes nouvelles ont été décidées par le général de Gaulle comme un élément majeur de son deuxième mandat. Et tout d'un coup, l'objet leur a échappé. Pourquoi ? Parce que la ville nouvelle faisait venir dans des zones rurales des ouvriers, des employés qui étaient sociologiquement de gauche. Et donc ça semait le trouble. Ça semait le trouble et notamment, ça menaçait le bastion de Michel Poniatowski. Michel Poniatowski, bras droit de Giscard, devenu son ministre de l'Intérieur. Et Poniatowski, sentant la bascule se faire, prend deux décisions. Lui prend une décision qui est de faire virer mon père, parce qu'il voyait que mon père était obsédé par le développement de la ville nouvelle, et donc à un moment ça allait basculer. Et fait prendre par le gouvernement une autre décision, qui est de stopper la croissance des villes nouvelles. Alors moi, j'ai souvent pensé à titre d'autre chose, alors que l'objectif était 1 million d'habitants dans les 5 villes nouvelles, ça a été de dire on les arrête à 100 000 habitants, et donc on s'arrête à 500 000. Et comme je me suis intéressé au logement à travers Emmaüs, et la crise du logement, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui manquent de logement, et pourquoi le prix du logement est si cher en Île-de-France, ils sont responsables de cela. C'est les 500 000 qui manquent en région Île-de-France. Et donc, la crise du logement, qu'on vit encore aujourd'hui en 2021, est le fruit de cette décision qui est un renoncement, une crainte politique. On a donc un président gaulliste de droite qui crée les villes nouvelles pour résoudre un problème, et on a ses successeurs de droite qui voient menacer leurs assises et qui stoppent ce processus. Non, c'est un coin sympa, vraiment. C'est un peu dommage qu'ils en aient fait un Luna Park. Les parcours dans les arbres, la baignade payante. Moi, je trouve que c'était mieux du temps où c'était sauvage, quoi. La grande banlieue, c'était presque la campagne à l'époque, hein. Donc, la banlieue a bien changé. Bon, pas forcément toujours pour le meilleur, hein. Mais enfin, ici, en fermant bien les yeux, on peut encore se croire dans le paradis terrestre. Ouais. Bien, on a des cartes postales anciennes de Cergy-Pontoise, enfin plus précisément de la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Alors, voilà, j'en connaissais déjà une des deux. Voilà. C'est des cartes postales, je pense, qui datent des années fin 70, début 80, je pense. Guillaume Braque, cinéaste. Ce qui correspond d'ailleurs à l'époque où je suis allé pour la première fois dans cet endroit avec mes parents. Voilà. Ça a beaucoup changé depuis, ça a été beaucoup remodelé. Mais c'est un peu plus poétique, là, je trouve. C'est aussi toute une époque là, de voir ces voiles pointues de planches à voile, ce petit ponton. Enfin, c'est... Oui, il y a quelque chose... peut-être un peu plus de vacances et peut-être un peu moins de... Je ne sais pas, de loisirs. La première fois que je l'ai redécouvert adulte, ça reste un souvenir très très précis. C'était un dimanche en fin de journée, je crois que c'était à la fin de l'été, peut-être fin août ou tout début septembre. Il faisait très beau et j'avais été frappé par la joie en fait, qui se dégageait de ce lieu-là et par la vitalité enfin, qu'il y avait. Il y avait quelque chose de l'ordre aussi d'une sorte de tour de Babel parce qu'il y avait des gens... vraiment de toutes origines, enfin on entendait plein de langues différentes, et il y avait quelque chose de complètement utopique parce que tous ces gens semblaient cohabiter de manière très, très simple et très joyeuse, et ça, on se disait, mais voilà, on aimerait que la société française soit pacifiée de cette façon-là, en quelque sorte, et voilà, donc c'était ma porte d'entrée adulte dans ce lieu-là. Je crois que l'endroit a quasiment mon âge. Moi, je suis né en 77 et je crois que l'endroit a été créé en 76 ou en 78, je ne sais plus, je crois en 76. On a quasiment le même âge. Moi, j'ai découvert un peu plus tard, dans les années 80. Et en fait, à peu près dans les années, mais ça, je l'ai su bien plus tard, où Romère y a tourné l'ami de mon ami. Et ça a été assez troublant quand j'ai reconnu ce lieu auquel je pensais plus tellement en voyant le film de Romère et où tout d'un coup... mon amour du cinéma croisait comme ça quelques fragments de mon enfance. Quoi. Hong Kong notamment. Alors, pourquoi j'ai vécu la période de la base de loisirs ? Parce que c'était notre lieu un de nos lieux de promenade. Mais il y avait la petite baraque à frites, juste là, dans une caravane. Ce qu'on appelait Hong Kong, c'était les petites cahutes de pêcheurs qui ressemblait à Hong Kong. Personne d'entre nous n'était jamais allé à Hong Kong, mais on se disait que ça devait être exactement comme cela. Donc un étang dans la boucle de l'Oise avec des petites cahutes de pêcheurs. Il y avait une magnifique butte qui était notre sommet. On était tous alpinistes. Cette butte, c'était le grand sommet, mais qui était faite en matériaux de recyclage de la terre qu'on avait prise ailleurs et qui faisait la butte et qui existe encore aujourd'hui. Si vous y allez, je ne sais pas si les habitants savent que c'est leur terre qui construit ça. On n'a pas fait venir, c'est leur terril de Ville Nouvelle qui est là. Et donc, on a vu cet endroit qui était une base de loisirs avant d'être une base de loisirs. Quoi. C'est là où on allait se promener dans les broussailles, etc., puis qui a été un peu organisé avec l'idée de lui garder un peu de son caractère, donc de ne pas faire des étangs trop géométriques, de laisser un peu de terrain d'aventure dedans. Je trouve qu'il y a aussi une beauté de ces lieux un peu impurs, et je trouve que cette île de loisirs en fait partie. Enfin, et en effet, selon l'endroit où on se trouve, on peut être dans quelque chose de très aménagé, on peut être presque dans une forme d'industrie du loisir, et puis... finalement, en s'éloignant un petit peu, on se retrouve dans des recoins très un peu cachés, très sauvages. On tombe sur des petites plages presque désertes, dans des rives avec des roseaux, enfin des sous-bois, etc. Et c'est d'ailleurs très beau parce que j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Je me suis aperçu que vraiment beaucoup de gens s'appropriaient cet endroit. Ils projetaient d'ailleurs beaucoup de choses, enfin, notamment les gens qui ont vécu dans un pays lointain, qu'ils ont dû quitter pour mille raisons, et qui retrouvent un petit quelque chose de ce pays perdu là, parce que c'est aussi un paysage assez banal finalement sur lequel on peut projeter beaucoup de choses. Alors tous ces gens qui fréquentent ce lieu, qui viennent pour certains de Cergy-Pontoise, mais pour beaucoup de toute la banlieue parisienne et parfois de très loin, et qui racontent forcément quelque chose de toute cette banlieue parisienne. Certains disent aussi que c'est presque... la pièce qui leur manque, c'est-à-dire ça peut être peut-être le salon qu'ils n'ont pas, et c'est l'endroit où se retrouver quand on manque d'espace chez soi, en fait, et c'est là que peuvent avoir lieu des grands repas familiaux, des grands repas communautaires, enfin des baptêmes, j'ai même vu des mariages, enfin plein de choses, en fait, plein de fêtes, et ça d'ailleurs c'est vraiment c'est assez bouleversant, en fait, quand on voit une immense tablée de 50 personnes comme ça, puis qui reste à tabler jusqu'à la nuit qui tombe, enfin jusqu'à la nuit tombée, enfin, c'est très très beau, quoi. Puis avec les enfants qui courent autour. Cergy-Pontoise, la ville qui n'existait pas, avec Martin Hirsch, Jean-Yves Jandon, Marc Kieny, Loïc Vadelorge, Lionel Engrand, Hugo Bévor et Guillaume Braque. Merci à Julien Pansu. Archivina Viviane Lefebvre, avec des extraits de L'ami de mon ami, de Éric Romer, et de L'île au trésor, de Guillaume Braque. Prise de son, Julien Girard. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier, avec la collaboration de Mathias Mégy. Un documentaire de Camille Jusa, réalisé par Franck Lilin. Constructeur, bétonneur, architecte, bâtisseur, urbaniste ou castor, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au bord du lac, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et sur Instagram. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, on ira trier les vieux objets. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.